Pénétrez dans les coulisses de la recherche avec la revue Carnet de Sciences. Dans ce sixième numéro, entre phénomènes sociaux et avancées technologiques, un grand dossier sur l'union du sport et de la science. Plongez en eau profonde à la découverte des coquillages, sentinelles des océans. Hissez-vous au pic du Midi, la tête dans les étoiles pour observer notre système solaire. Explorez les mécanismes de la douleur et portez un autre regard sur l'histoire du continent africain. Reportages, photos, entretiens, points de vue à découvrir dans Carnet de Sciences, la revue du CNRS, tous les six mois dans les relais et librairies. Merci Mathieu Garrigou-Lagrange, la semaine prochaine. Il y a 500 ans aujourd'hui, s'éteignait celui que l'histoire allait retenir comme le premier génie moderne, le phare de la pensée éclairant les ténèbres finissantes de l'obscurantisme médiéval, Léonard de Vinci. Précurseur de la pensée galiléenne, artiste et savant, ingénieur autodidacte et génie absolu de la peinture, de la perspective et de l'anatomie, la légende autour de Léonard de Vinci s'est construite au fil des siècles, notamment après que ses codex eurent été retrouvés et publiés. Mais 500 ans après sa mort, que peut nous dire l'histoire des sciences à propos de De Vinci ? Était-il le savant disruptif que l'on décrit ? Est-il à proprement parler l'homme qui a opéré le cadre épistémologique de rupture de la pensée médiévale vers la Renaissance ? De Vinci, génie malgré lui, c'est le programme avant-gardiste qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire la part de la légende et de l'histoire et comprendre quels furent les apports scientifiques de Vinci à son époque, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Briouat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Centre d'études supérieures de la Renaissance de l'Université de Tours, auteur de Les Audaces de Léonard de Vinci, c'est aux éditions Stock. Et bonjour Jean-Marc Ginoux. Bonjour. Vous êtes docteur en mathématiques appliquées et en histoire des sciences, maître de conférences à l'Université de Toulon. Vous pouvez suivre cette émission, comme d'habitude, en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur notre site franceculture.fr ou en podcast via l'application qui vous est la plus chère. Mais pour commencer, eh bien, cette question, puisqu'on parle beaucoup et on évoque beaucoup la légende de De Vinci qui a presque supplanté l'histoire et ce que l'histoire peut nous en dire. Comment est-ce qu'on travaille, Pascal Briouat, sur un monstre sacré comme Léonard de Vinci ? Comment est-ce qu'on peut l'appréhender historiquement ? La difficulté, c'est effectivement de cerner tous les champs auxquels il s'est intéressé. Mais la chance que nous avons aujourd'hui, c'est de disposer de tous les manuscrits de Léonard de Vinci en ligne, transcrits, avec la possibilité de zoomer, donc de travailler dessus. C'est sur Ileo, un site complètement dédié. Et c'est Ileo, un instrument, c'est E-Léo. Hein, E-Trédignon voilà. Léo. Voilà. Voilà, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de la mission. Et cet instrument-là permet d'aller assez loin. Et en fait, il y a encore énormément de recherches à faire sur Léonard de Vinci. Jean-Marc Ginoux, quelle a été votre approche vers Léonard de Vinci ? Comment est-ce qu'on l'appréhende une fois de plus ? On l'appréhende en recherchant, comme le dit mon collègue, les sources et en se plongeant dans la littérature, c'est-à-dire les différents auteurs qui se sont penchés sur la question bien avant nous. Et on essaie de se faire une opinion à partir de ce qu'on a pu lire. Est-ce qu'on approche de la même façon, je vais vous demander un peu une approche comparée, Léonard de Vinci, selon que l'on approche vraiment par un biais stricto sensu historique au sens le plus large du terme, ou par le biais, comme vous l'avez fait Jean-Marc Ginoux, de l'histoire des sciences ? Alors, à mon avis, il faut prendre quelques précautions et recontextualiser le personnage. Je rebondis exactement sur la phrase que vous avez dite tout à l'heure. Ce phare qui a illuminé les ténèbres de l'obscurantisme. C'est bien là précisément le problème du mythe de Léonard de Vinci. C'était volontairement un peu amplifié, vous l'avez bien compris. Je vous en remercie. En réalité, le Moyen-Âge n'a pas été une période d'obscurantisme, bien au contraire. Elle a été une période de savants, de grands savants, une période de naissance des universités, une période de développement de l'imprimerie, une période de diffusion du savoir, durant laquelle bon nombre de grands scientifiques ont vu le jour. Et il faut donc replacer les choses dans leur contexte. Et c'est précisément ce point-là qu'il faut discuter. C'est-à-dire quelle est la place de Léonard de Vinci à la toute fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Et c'est vrai qu'on en a souvent parlé à ce micro lors de ces jeudis consacrés à l'histoire des sciences. Il y a une sorte de facilité ou de biais perceptif d'imaginer que finalement la science ne s'est construite que par à-coup, à travers des grands noms, des grands scientifiques. Or, l'histoire de la science est aujourd'hui bien plus une histoire d'un continuum. Néanmoins, comment s'est construit finalement cette image d'avant-gardiste, de génie précurseur de Léonard de Vinci historiquement? Elle s'est construite assez tard, je crois, Jean-Marc Ginoux, plutôt autour du 19e siècle. En effet, c'est à la découverte des manuscrits de Léonard de Vinci qui seront publiés à la fin du 19e et qui ont été analysés par bon nombre d'historiens des sciences, dont Pierre Duhem. Mais le mythe de Vinci, il naît d'une légende urbaine qui consiste à croire et à continuer de croire que le Moyen-Âge a été une période d'obscurantisme, ce qui n'est absolument pas le cas. Dès lors, les manuscrits qui sont diffusés de Léonard de Vinci font état de différents croquis, de différentes illustrations, magnifiques du reste, hein, avec une main de maître que nous lui connaissons. Et évidemment, ils sont accessibles au commun des mortels. De même qu'une formule, même si on ne la comprend pas, on peut la lire. Je pense à E égale MC2. Bien sûr. Mais naturellement, pour Léonard de Vinci, vous voyez la coupe d'un bras, celle d'un œil, vous voyez un vol d'oiseau. Tout cela a un écho et une résonance dans l'esprit du commun des mortels. Et c'est la raison pour laquelle on a l'impression, finalement, qu'il a tout inventé, tout imaginé, tout découvert. Il y a les machines, il y a les machines qui créent le mythe. Les machines, au moment où on redécouvre les dessins de chars d'assaut, d'orgues d'artillerie, d'ornithoptères de Léonard de Vinci, de sous-marins, on est à l'époque de Jules Verne, et dans une époque qui croit au progrès scientifique et technique. Et du coup, le génie de Léonard tombe à point pour créer cette idée que, voilà, des génies visionnaires avaient inventé le futur. C'est une sorte de biais de confirmation historique, en quelque sorte. Complètement. Vous dites, Pascal Briouat, que crier au génie, en l'occurrence pour évoquer la carrière de Léonard de Vinci, c'est falsifier l'histoire. Oui, c'est triste à dire, parce que cette idée est tellement répandue, que Léonard est un génie. Mais ce qui me gêne dans la notion de génie, c'est que on gomme complètement tous les prédécesseurs de Léonard. Alors les prédécesseurs dans les techniques, Francesco Di Giorgio, Taccola et bien d'autres, des hommes du 15e siècle, voire du 14e siècle, on peut les citer. On retrouve des soi-disant inventions de Léonard de Vinci, y compris le parachute, par exemple, qui sont des inventions de prédécesseurs. Mais c'est aussi vrai dans les sciences, c'est-à-dire que dans les sciences, Léonard ne part pas de rien. Il est le lecteur d'Albert de Saxe, de Aylesbury. Alors, il lit comme il peut, puisqu'il n'a pas appris le latin. Mais il est quand même un lecteur de Alhazen, via Peckham, il est le lecteur de grands théoriciens du Moyen-Âge. Donc le Moyen-Âge n'est pas cette sombre période que Michelet mettait en avant. Jean-Marc Ginoux, sur cette finalement place dans une transition tout de même vers... parce qu'on parle beaucoup de Vinci comme étant une sorte de pré-moderne, de pré-galiléen. C'est un passeur de relais finalement. Hein. Il va transmettre le savoir médiéval à un certain nombre de ses disciples, comme l'explique très bien d'ailleurs mon collègue dans son ouvrage. Et ainsi, il va donner un certain nombre d'impulsions. Après, évidemment, il est très difficile de faire la part de ce qui a été récupéré par ses disciples, ses successeurs, et savoir ce qui est véritablement ils en ont fait. Mais pour revenir sur ce que disait Pascal Briouat, il est contemporain de Brunelleschi, qui va construire ce fameux dôme de Santa Maria dei Fiori, dont on ignore toujours, au moment où je vous parle, comment il a fait. Vous voyez, donc, il faut vraiment resituer les choses dans leur contexte, et je voudrais juste ajouter ceci. Ce qui est important de dire, c'est que, finalement, Léonard de Vinci est connu pour un certain nombre de choses qui ne sont pas véritablement de son fait, et il est inconnu pour d'autres qu'il a réellement faites. Et là, je vous renvoie vers mon collègue qui va détailler le problème. Et on va poser cette question qui va être un peu notre fil conducteur tout au long de cette heure, à savoir, peut-on parler aujourd'hui de Léonard de Vinci comme d'un savant, c'est-à-dire comme l'un des premiers scientifiques que l'on pourrait qualifier de moderne, avec une approche fondée sur l'expérimentation? Ou est-ce que cette position de savant, finalement, est un élément de la légende, Pascal Briouat? Alors il y a un caveat ici, c'est le fait que Léonard n'a rien publié. Et comme il n'a rien publié, la question de la transmission de ses idées techniques et scientifiques est tout à fait problématique. Effectivement, les codex ont été transmis à son disciple et qu'ils ont ressurgi au XIXe siècle, mais on pense aujourd'hui que ces codex étaient vraisemblablement tout de même faits pour être publiés. Oui. Alors, ce qui est très frustrant pour l'historien, c'est que Léonard parfois dit « Tiens, voyez le deuxième chapitre de mon troisième livre sur l'eau. » Et nous, on cherche le livre sur l'eau et on ne l'a pas. Un livre sur les oiseaux, un livre sur les éléments de machine. Donc tout ça prouve que Léonard recopiait. On a les brouillons, en fait. Et on n'a pas les livres recopiés au propre auxquels Léonard fait référence. On pense qu'on n'a pas plus d'un tiers de ce que Léonard a écrit. Jean-Marc Ginoux, sur cette, vous avez un peu changé d'avis en préparant cette émission, en discutant avec Pascal Briouat. Vous disiez, vous pensiez avant qu'effectivement c'était peut-être un peu galvaudé de considérer Léonard comme un scientifique ou un scientifique avec une véritable démarche scientifique ou un apport théorique. Aujourd'hui, vous dites que je vais justifier effectivement. Vous avez raison. Mon directeur de thèse et ami Bruno Rossetto me disait, c'est par les rencontres et la magie de ces rencontres que l'on comprend un certain nombre de choses. Et j'ai eu le plaisir de discuter longuement avec mon éminent collègue Pascal Briouat, qui est le spécialiste de Léonard de Vinci. Et effectivement, il m'a convaincu. Alors, le point d'achoppement, si vous voulez, est le suivant. Quand vous comparez avec d'autres, vous avez par exemple Archimède, avec le principe d'Archimède, vous avez le théorème de Pythagore. On serait tenté de croire qu'il devrait y avoir quelque part dans un livre une loi de Vinci ou un principe de Vinci. Or, ce n'est pas le cas. Naturellement, ce n'est pas une question de mathématiques, parce qu'il faut évacuer très rapidement ce problème. Il y a dans ces livres du Moyen-Âge aucune formule mathématique au sens propre telle que nous l'entendons aujourd'hui. En revanche, il y a des résultats fondamentaux extrêmement importants. On pense par exemple, vous citiez tout à l'heure, et Pascal citait Ibn al-Hazen. Ibn al-Hazen, c'est l'inventeur de la chambre noire, qu'on attribue à tort à Léonard de Vinci. Vous voyez, c'est amusant. Et donc, le problème du savant est simple, si vous voulez. Si on part de là, il n'a rien théorisé, donc ce n'est pas un savant. Néanmoins, Pascal Briouat me faisait remarquer qu'il a expérimenté. D'autre part, j'avais moi-même remarqué qu'il avait mis en évidence l'impossibilité de construire une machine à mouvement perpétuel. Ensuite, il y a à la même époque que Léonard de Vinci, un grand savant qui est considéré comme un savant, qui est Pierre de Maricourt. Que sait-on de Pierre de Maricourt ? Rien. La seule chose que nous possédons, c'est l'épistolat de Magnette, une lettre qu'il a écrite durant le siège d'une bataille et dans laquelle il explique que si l'on brise un aimant en deux, le pôle nord et le pôle sud se retrouvent sur chacune des extrémités. Et intéressant également, il a écrit dans ce même épistolat la construction d'une machine à mouvement perpétuel. Alors, effectivement, on regarde tous ces éléments qui m'ont été transmis aimablement par Monsieur Briouat. Je pense qu'à juste titre, il est injuste de considérer d'une part Pierre de Maricourt comme un savant et pas Léonard de Vinci, mais je laisse la parole à mon brillant collègue. Pascal Briouat. Oui, alors, bon, d'abord, on a des lois de Léonard de Vinci malgré tout. Par exemple, en tribologie, la science du frottement, on sait que le premier à avoir formalisé le fait que le frottement dépendait du poids et non de la surface de contact, c'est Léonard de Vinci. Voilà des lois qui ont été écrites par la suite seulement. Et puis, vous avez énormément de domaines où Léonard découvre, par exemple, la question du vol, la notion de portance. C'est lui qui est derrière, ce qui n'est quand même pas rien. Et on va revenir un peu justement sur tous ces apports, à tous ces travaux, à toutes ces contributions, et puis à la méthode scientifique, hein, puisque c'est le titre de cette émission, qui est celle de Léonard de Vinci, et qui peut-être elle-même est, pour le coup, relativement novatrice ou avant-gardiste. On en parle tout de suite. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc aujourd'hui de Léonard de Vinci, le scientifique, le savant. Nous en parlons avec Pascal Briouat et Jean-Marc Ginoux. Peut-être est-il bon, pour comprendre le parcours intellectuel, scientifique, la démarche de Léonard de Vinci, de revenir, de remonter aux origines. Pascal Briouat, je vais vous confier cette vaste tâche. Ce jeune Leonardo naît le 15 avril 1452 en Toscane, d'une famille assez atypique. Famille atypique, c'est un grand mystère que la naissance de Léonard de Vinci, je n'entrerai pas dans le débat, mais ça a une conséquence, c'est que Léonard est un enfant illégitime, alors un enfant de la campagne qui observe avec sa famille grand-paternelle la campagne, mais quelqu'un qui ne peut pas aller à l'université, donc il n'a pas accès au latin et encore moins au grec. Donc ce qui fait que par la suite, il écrira avec une pointe d'ironie « Je suis un homme sans lettres ». J'ai la citation sous le nez, je peux vous la proposer parce qu'elle est assez, effectivement, assez éloquente. Il l'écrit en 1490, il a donc 38 ans. Il écrit « Moi, l'homme sans lettres, je sais bien que n'étant pas cultivé, certains présomptueux trouveront raisonnable de pouvoir me blâmer en alléguant que je suis un homme sans lettres. Or, ils ne savent pas que mes idées ont plus de valeur parce qu'elles naissent de l'expérience et non de la parole d'autrui, produit de qui sait bien écrire, maîtresse qu'il pille à volonté, ce que j'alléguerais dans tous les cas. » C'est une belle antiphrase, parce que on commence par de la modestie et on finit par « moi, ma science, je la fonde par la raison et par l'essence ». Et ça, c'est sans doute une des bonnes définitions d'une méthode scientifique. Jean-Marc Ginoux, avant d'arriver justement un peu à cette méthode scientifique de Léonard de Vinci sur ses origines, donc on parle et on lit beaucoup qu'il est doué d'un sens inné de l'observation, que tout va partir de ce sens-là qui lui est transmis par son grand-père, qu'il observe la nature et que c'est par l'observation qu'il va vouloir reproduire ses expériences. Que faut-il en penser ? Alors je rebondis sur ce que vous disiez, sur le titre de votre émission, la méthode scientifique. C'est précisément le questionnement que nous devons avoir vis-à-vis de Léonard de Vinci. Et je rebondis également sur ce que disait mon collègue à propos de sa formation scientifique. Il n'est pas allé à l'université. Alors c'est pas grave en soi, dans le sens où il n'a pas suivi le cursus avec les sept arts libéraux. Qui sont, rappelez-le ? Eh bien, il y a la grammaire, l'astronomie, les mathématiques, la musique... Grammaire, rhétorique, logique. La rhétorique, la logique, le les arts de la parole. Et oui. Pour le quadrivium, arithmétique, géométrie, astronomie et musique. La musique, c'est ça. Merci. De mon point de vue, si vous voulez, c'est plutôt sur la formation au sens interrogation de l'homme dans l'univers. C'est-à-dire la phrase même d'Aristote. Aristote vous dit, la science commence avec l'étonnement. Mais s'étonner de quoi ? Thalès commence à se demander de quoi notre univers est fait. À ma connaissance, je ne crois pas que De Vinci se soit prononcé sur une théorie héliocentrique ou géocentrique, ou sur la position de la Terre, ou sur, même sur sa rotondité. Vous voyez, c'est en ce sens que, de mon point de vue, il n'apparaissait pas comme savant. Mais on ne peut pas réduire la scientificité, si vous voulez, au simple fait de s'interroger sur l'astronomie. Effectivement, comme l'a fait remarquer Pascal Briouat, il a fait un apport considérable en mécanique, en tribologie notamment, mais surtout, de mon point de vue, c'est véritablement sur l'impossibilité de construire un mouvement, une machine à mouvement perpétuel. J'aimerais qu'on reste un peu sur ce fil biographique et chronologique, donc ce sens inné de l'observation. Peut-être un mot là-dessus, Pascal Briouat, là aussi, quelle est la part de la légende ? On dit que c'est un grand observateur de la nature, ça va se retrouver, on en reparlera dans certains codex avec ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon très anachronique, le biomimétisme. Alors, d'abord, ses dessins nous prouvent que son œil est capable de voir l'infiniment petit, l'infiniment grand, et même de décomposer le mouvement. Et ça, c'est une force. Quand on étudie un tourbillon, par exemple, un œil comme celui de Léonard de Vinci est quelque chose de fabuleux. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire que à partir de là, il faut construire ce que l'on voit. Il le construit par de l'analogie. Par exemple ? Alors, par exemple, au départ, pensée très médiévale, on considère qu'il y a des échos entre le corps humain, le microcosme, et l'univers, le macrocosme. C'est pas Léonard qui dit ça, tout le monde dit ça depuis des années. Mais Léonard va échapper à cette façon de faire où, par exemple, les arbres sur les montagnes sont comme les cheveux sur la tête d'un humain. Il va aller beaucoup plus loin, il va dire non, en fait, ce qui est vraiment la nature de l'analogie, c'est que dans la nature, vous avez des éléments, des formes naturelles que l'on retrouve dans tous les niveaux de la création. Les sphères, par exemple, les réseaux en arborescence, vous voyez, toutes ces formes naturelles disent que sans doute la nature a été écrite en langage mathématique. Et c'est là que la mise en rapport de divers champs du savoir est d'une richesse très très très forte pour la pensée de Léonard. Alors la suite de la formation de Léonard de Vinci, c'est donc pas d'université, on l'a dit, moi l'homme sans lettres, pas de grec, pas de latin, mais un atelier, et pas n'importe quel atelier, Pascal Briouat, celui d'Andrea Verrocchio. À quoi va-t-il former Léonard de Vinci exactement ? On a à la fois un travail sur la peinture et les composés chimiques de la peinture, mais la sculpture, on fabrique des machines de théâtre et on travaille même sur le dôme de Brunelleschi aux ultimes grues qui vont poser la sphère de cuivre. Léonard se souviendra d'avoir souder la sphère de cuivre qui coiffe la cathédrale. C'est-à-dire que c'est un enseignement finalement polytechnique au sens étymologique du terme. C'est ça. Avec des gens qui partagent des savoir-faire et qui recopient dans leur carnet les machines des autres. Bien des machines recopiées par Léonard dans ces carnets ne sont pas des machines de Léonard. C'est-à-dire que très très tôt, en fait, dès cet atelier de Verrocchio, Jean-Marc Ginoux, Léonard de Vinci se forme en fait à l'ingénierie, aux sciences de l'ingénieur, à la mécanique. Il semble en effet qu'il se forme dès cette rencontre avec Verrocchio à l'ingénierie et à la mécanique. Et je voudrais revenir un instant sur ce que vous dites à propos du fait qu'il n'ait pas fait d'université et qu'il n'ait pas non plus une formation en latin. Vous savez, plus proche de nous, au XIXe siècle, deux grands savants, deux grands scientifiques français, Léon Foucault et Hippolyte Fizeau, se targueront de la même chose. Ils diront « nous n'avons fait ni polytechnique, ni école normale, nous ne sommes que des amateurs ». Il n'empêche que ces amateurs calculeront la vitesse de la lumière dans l'air et dans l'eau. Pour l'un et pour l'autre, eh bien, il permettra de mettre en évidence la rotation de la Terre. Donc il faut sortir, si vous voulez, de ce débat sur formation scientifique ou autodidacte. Je voudrais dire aussi que, d'après ce que j'ai pu lire, très intéressant dans les travaux de mon collègue, Benvenuto Cellini, le célèbre sculpteur italien, a consulté les carnets de Léonard de Vinci. Mais je pense que Pascal Briouat vous en dira davantage sur ce sujet. Oui, alors, donc, le début de la formation, c'est une formation d'atelier qui sans doute prédispose à faire des expériences, à manipuler le concret et à mettre le savoir à l'épreuve des sens. Mais par la suite, Léonard rattrape. C'est-à-dire que vers l'âge de 30 ans, il noircit des feuilles de déclinaison, de conjugaison et des feuilles de vocabulaire. Donc il finit par attraper le savoir qui lui était refusé jusque-là et lit, notamment grâce à des amis qui lui traduisent. Alors il lit comme il peut, mais il arrive à lire Euclide, il arrive à lire Aristote et les commentateurs d'Aristote, donc et les grands opticiens médiévaux. Donc là, il y a un savoir qui se construit sur le long terme. Quid de sa connaissance en mathématiques? On lit beaucoup que Léonard était précisément totalement nul en maths. Est-ce que c'est une réalité, Jean-Marc Ginoux? Il est quand même l'illustrateur de La Divine Proportion de Luca Pacioli, un ouvrage fortement qui va avoir une forte influence par la suite, un ouvrage mathématique et pour lequel il va dessiner des polyèdres. Alors effectivement, d'après Pascal Briouat, ses compétences en mathématiques sont limitées. Mais encore une fois, il faut recontextualiser. Il n'est pas le seul. Vous parliez d'Aristote, on ne peut pas dire qu'Aristote a brillé par ses compétences mathématiques. Il a même écrit plusieurs choses qui étaient parfaitement erronées. Donc l'aspect mathématique, l'aspect formule mathématique n'est pas fondamental. Ce qui est véritablement fondamental, c'est sa manière d'analyser le réel, sans forcément chercher à le mathématiser, vous voyez. D'en comprendre, il y a l'idée d'embrasser le réel. De comprendre l'univers, ça veut dire essayer de finalement de le dessiner, de le représenter, de se faire une image du réel. Et dans ce sens, je pense qu'il a parfaitement réussi. Alors entre Aristote et Léonard de Vinci, il y a quand même quelques siècles d'écart et l'algèbre a un peu progressé par rapport à la Grèce antique. Mais sur l'algèbre, Léonard est effectivement pas très bon. Voilà. Les fractions, il commet énormément d'erreurs, même en géométrie. On est plutôt dans une géométrie pratique d'artisan. Voilà. Mais il y a une conviction quand même chez Léonard, c'est que les mathématiques sont là derrière. Et qu'il faut les chercher. Par exemple, après avoir rencontré Pacioli, il regarde les arbres et découvre que le diamètre du tronc d'un arbre détermine complètement le diamètre des branches qui vont suivre. C'est une loi que les biologistes connaissent bien aujourd'hui, mais qui ne serait pas là sans la conviction pythagoricienne que le monde est écrit en langage mathématique. Quelles sont ces sources, justement, est-ce que l'on a accès à cela? Quelles sont ces sources mathématiques? Est-ce qu'elles sont plutôt antiques? Est-ce qu'elles sont plutôt arabes? Est-ce que on sait cela, Pascal Briouat? Sur les mathématiques, essentiellement, c'est Euclide, et on le voit recopier des pages entières des éléments d'Euclide. Donc là, on voit très clairement quelqu'un qui fait ses exercices. Mais il y a aussi une mathématique pratique qui est du monde des artisans. Par exemple, comment on construit un pentagone avec simplement une règle et un compas. J'aimerais qu'on parle aussi de ces fameux codex. Les codex, alors, ils sont écrits entre 1487 et 1508. Ils sont écrits et ils sont classifiés de façon, comme on l'évoquait tout à l'heure, quasiment à être une sorte de d'introduction à une future publication. Et pourtant, il est compliqué de les dater, je crois, Pascal Briot, parce qu'il les reprend sans cesse. Hein. Il ne va pas arrêter d'y revenir, de les amender, de les annoter. C'est compliqué, mais pourtant, il est très important de savoir quand les choses sont datées. On travaille actuellement à une réédition chez Gallimard des carnets, et justement, tout notre travail, c'est de dater, page par page, quand on peut, les codex. Mais effectivement, il y a certains volumes, comme le Codex Atlanticus, que Léonard va travailler pratiquement toute sa vie, et d'autres codex, le codex B ou le codex A, par exemple, qui correspondent à certaines années. Donc à partir de là, on arrive à contextualiser. Alors le codex Atlanticus, c'est peut-être le plus connu. Qu'est-ce qu'on trouve exactement? Comment sont-ils classés? Comment ils s'organisent, ces codex, Pascal Briot? Alors le codex Atlanticus, je vous le dis tout de suite, c'est tout. C'est tout. C'est tout et n'importe quoi. C'est l'alpha quoi. Et l'oméga. Voilà. Mais certains autres codices sont plus précis. Le codex A, par exemple, c'est là qu'il y a le travail sur l'eau. Et voilà, il y a un codex sur le vol des oiseaux. Le codex B, il y a beaucoup de machines et des dessins architecturaux. Donc, par volume, on peut trouver ce que Léonard a fait. Parfois, certains codices sont des tout petits carnets de Décaveau qu'on accroche à la chaîne à sa ceinture. Par exemple, le codex L, Léonard est sur les routes poudreuses de la guerre avec César Borgia et il note tout ce qu'il voit. Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi différents formats qui correspondent à différents types de travaux. Est-ce qu'il y a quand même une sorte d'organisation générale qui apparaît quand on regarde ces 12 volumes? C'est pratiquement un travail en réseau. Je crois que Léonard aurait été très heureux d'avoir Internet à sa disposition parce que les pages renvoient à d'autres pages. Et lui-même, il y a des tas de petits textes qui renvoient à d'un passage à un autre. Donc c'est une pensée réticulaire. Qu'est-ce que ça nous dit justement de l'organisation de sa méthode scientifique à proprement parler? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui peut ressortir de l'organisation de ces différents volumes? Il y a certainement des moments où il s'intéresse à un problème et il se focalise sur un problème. Jean-Marc Ginoux. Je partage totalement votre point de vue, cher collègue. Je me suis focalisé essentiellement sur un seul codex, celui dans lequel il traite du mouvement perpétuel et dans lequel il explique justement qu'il est impossible de construire une machine à mouvement perpétuel. Mais je vais laisser la parole à mon collègue pour vous raconter l'anecdote du codex qui se trouve à l'Institut de France. Je pense qu'il le fera bien mieux que moi, parce que c'est une anecdote quand même amusante qui devrait intéresser vos auditeurs. Alors, le codex de l'Institut de France. Celui que les Italiens ont voulu récupérer après la débâcle de 1940, vous savez. Donc c'est le codex Atlanticus qu'il récupère. Oui. Effectivement, alors il faut avouer que Napoléon avait fait main basse sur tous les codex italiens. Et une bonne partie sont encore dans les banques, à la Banque de France, conservées par l'Institut de France. Mais le principal, le codex Atlanticus, est reparti en Italie et aujourd'hui à la bibliothèque Ambrosienne de Milan. En hommage à Léonard de Vinci, Paul Brafort a écrit une chanson qu'il a intitulée « La Joconde ». C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard me crut gironde. Bon, quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que de mots vains on m'inonde. Critiques, artistes abondent en intarissables facondes. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, oh la Joconde. Venez voir le sourire la Joconde, c'est le plus beau du monde. La Joconde, c'est moi que je suis la Joconde. Mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Comment ne pas céder à la tentation de diffuser cette belle chanson et la voix de Barbara dans une émission consacrée à Léonard de Vinci, même si il va être question, on va tout de même parler un peu aussi des techniques de peinture et de la façon dont Léonard de Vinci envisageait la peinture comme une science, enfin avec une approche scientifique, en tout cas de certains textes l'attestent. Nous en parlons avec Pascal Briouat, qui est professeur au Centre d'études supérieures de la Renaissance de l'Université de Tours et auteur de Les Audaces de Léonard de Vinci, c'est aux éditions Stock, et avec Jean-Marc Ginoux, qui est docteur en mathématiques appliquées et en histoire des sciences, maître de conférence à l'Université de Toulon. Alors, nous parlions tout à l'heure des Codices, c'est parmi ces travaux et les croquis les plus connus de Léonard de Vinci que l'on peut trouver dans ces petits volumes, ou dans ces petits ou dans ces grands d'ailleurs. Il y a bien sûr toutes les machines volantes, la préfiguration de l'avion ou de l'hélicoptère. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au Clos Lucé en Boise, qui furent les derniers ateliers de Léonard de Vinci pour voir ses maquettes donc, et ses travaux autour du vol. Oui, François Ier invite Léonard de Vinci au Clos Lucé en 1516 pour y faire des grands projets. Ce seront aussi ses dernières années, des années où il restera très prolifique en termes de travaux scientifiques. Ces ateliers ont été reconstitués à l'identique à la façon des bothécas de la Renaissance. Et on se rend compte en les visitant de la place de l'expérience dans ces études scientifiques. Que ce soit en peinture, en optique ou bien en mécanique, De Vinci utilise des instruments, il mesure, il observe et dessine. Mais c'est vraiment en regardant les maquettes des machines volantes qu'on retrouve le plus son esprit scientifique. Alors, nous sommes au Clos Lucé, la dernière demeure de Léonard de Vinci. En 1516, François Ier le nomme premier peintre, premier architecte et premier ingénieur de roi, avec une pension royale de 1000 écus d'or, et bien sûr, va lui demander de travailler à des grands projets pour le royaume. Alors, nous sommes dans les ateliers de Léonard, c'est son lieu de création. On voit ici la table où on prépare les pigments, le lapis lazuli, l'ocre, la terre de Sienne, et puis les peintures qu'il a apportées avec lui et qu'il va parfaire, comme le Saint Jean-Baptiste et la Sainte Anne. Et puis cette table de travail où Léonard dessine. Léonard, en tant qu'ingénieur, est un ingénieur de terrain. Il va toujours vérifier. Il trace des croquis, des dessins. En termes de mécanique, on peut dire que Léonard de Vinci est l'un des premiers à avoir inventé la science expérimentale et l'importer. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser aux principes mécaniques existants, par exemple de l'industrie mécanique à l'industrie textile, en y apportant des applications, des améliorations. Il y a une méthode, une démarche vraiment. Il y a une méthode, oui, absolument. Alors ici, nous sommes dans la salle des principes mécaniques et des instruments de mesure. Donc Léonard de Vinci a inventé toutes sortes d'hygromètres, d'anémomètres, pour mesurer effectivement l'état de ces expériences, mais aussi l'état des phénomènes, l'hygrométrie, la vitesse du vent, mais aussi des inventions très pratiques, comme cet odomètre qui vous permet de mesurer avec des billes sur un volant, avec une brouette, le métrage de votre jardin, ou encore des systèmes de transmission, des horloges mécaniques. Alors justement, ses qualités d'observateur, d'expérimentateur, il va le mettre au service de son rêve du vol humain. Et il a conçu des machines telles que l'ornithoptère ou la vis tournante. Est-ce qu'on pourrait aller voir ? Oui, la salle des maquettes, ce sont des maquettes qui ont été réalisées par IBM d'après les dessins de Léonard de Vinci. Alors nous sommes ici dans les salles des maquettes, dans les sous-sols du Clos Lucé. Ces maquettes sont réalisées avec les matériaux de l'époque, d'après les dessins originaux de Léonard. Est-ce qu'on pourrait décrire un peu cette vis volante ? Oui. Une géométrie assez particulière qui reflète un peu ses connaissances de la mécanique des fluides, de l'action de l'air et des forces. Oui, alors Léonard a beaucoup analysé les fluides, l'eau comme l'air, et a étudié le vol des oiseaux, la portance. Et il va dessiner cette hélice volante qui est un peu l'ancêtre de l'hélicoptère. Mais ce qui lui manque, c'est la force de propulsion. Là, il dessine deux hommes qui tournent un axe avec une vis au-dessus d'eux. Mais effectivement, il y a peu de chances qu'elle puisse s'élever. Et il faudra attendre plusieurs siècles avant que l'on puisse faire élever cette vis du sol. Alors si on se penche vers une autre de ces maquettes, on voit que là, il s'intéresse au vol plané. Oui, alors effectivement, Léonard va dessiner une machine volante actionnée par des cordes, des pédaliers et mue par la seule force humaine. La problématique qu'il rencontre, c'est le poids des matériaux utilisés. Ce n'est pas de la résine composite, c'est du bois, de la toile, du cordage. Et donc, effectivement, on dit qu'il va essayer cette machine volante et qu'il demandera à son serviteur Zoroastre d'emprunter cette aile volante. Et il s'élancera d'une colline de Fiesole, la plus haute de Florence. Mais malheureusement, le pauvre Zoroastre brisera ses jambes. Et alors, il y a également cette machine, oui. L'ornithoptère. Ah oui, l'ornithoptère. Qui reflète le côté d'inspiration biomimétisme. Alors, l'ornithoptère, c'est une machine volante dont les ailes sont inspirées de la chauve-souris. Léonard de Vinci va étudier dans son traité du vol des oiseaux, plus d'une centaine de pages, où il va étudier tous les mouvements du vol, les virages, le vol à tire-d'aile. C'est absolument, tout est décomposé. Il a un œil incroyable, puisqu'il y a presque dans ses dessins, comme si c'était des photographies cinétiques, décortiquant chacun des mouvements. Et d'ailleurs, on le voit, cette maquette, on voit complètement qu'elle est inspirée de la morphologie d'une chauve-souris, dans les dimensions, dans les proportions, dans les articulations. Absolument. Et donc, je pense que l'aile de la chauve-souris aux membranes extrêmement fines l'inspirait, car il savait qu'il aurait un problème de portance pour élever cette machine dans les airs. Et en étudiant le vol de la chauve-souris, il pensait peut-être trouver la solution à cette machine volante. Alors finalement, on peut dire que toutes ces machines qu'il a conçues, qu'elles soient fonctionnelles ou pas, elles reflètent vraiment son désir de comprendre le vol et de faire voler l'homme en s'inspirant de la nature. Oui, en fait, sa volonté, son désir, c'est un désir inassouvi de comprendre les mystères de l'univers. C'est à la fois un généraliste qui a une vision horizontale et un hyper spécialiste. Et jusqu'à la fin de sa vie, il ne cessera, ici au Clos Lucé, de continuer à parfaire ses études. Voilà cette visite du Clos Lucé, cette description des machines de Léonard de Vinci, où l'on entend bien que la légende continue d'entrecroiser l'histoire. Peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Pascal Briouat. Oui, alors évidemment, le biomimétisme est quelque chose de très important pour Léonard. Il va très loin dans l'observation des oiseaux, des chauves-souris, des insectes et même des poissons volants méditerranéens. Et il se pose des questions très très fines du genre, est-ce que les plumes, ça sert à voler ? Est-ce que la structure d'une aile, la forme convexo-concave d'une aile, ça sert à voler ? Vous voyez, là, c'est une observation très, très, très pertinente. Et avec toujours cette décomposition du mouvement qu'on va retrouver dans tout un certain nombre d'études autour de le mouvement même humain sur l'anatomie dont on reparlera dans un instant. Oui, complètement, parce que pour lui, les ailes, il suffit pas de les abaisser et de les soulever. Les ailes, elles font un mouvement particulier pour englober l'air. Et il regarde ça de très très près. Je suis pas sûr que Léonard ait fait voler Zoroastre, tout ça, date du roman de Merezhkovski de 1900. Jean-Marc Ginoux, sur ce travail sur le vol, plané, mais aussi le vol en mouvement, puisqu'il s'intéresse aux deux tour à tour. Oui, il y a effectivement beaucoup d'interrogations, beaucoup de recherches et surtout beaucoup de croquis qui ont été faits. On peut mettre en doute, en revanche, le fait qu'il ait fait voler quoi que ce soit, c'est sûr. Mais je voudrais revenir un instant sur ce qui a été dit au Clos Lucé et revenir sur le mythe, vous voyez, parce que finalement, c'est un petit peu le problème que nous devons, et surtout Monsieur Briouat doit enlever ce sfumato qu'il y a autour du personnage et dessiner plus précisément les contours de Léonard de Vinci, parce que vous savez, en histoire des sciences, il y a un effet qu'on appelle l'effet Matthieu. Selon l'évangile de Saint Matthieu, on ne prête qu'aux riches. riche. Et on a tendance à attribuer beaucoup de découvertes et beaucoup d'inventions à des personnalités que l'on considère comme des génies. Et c'est un peu dommage parce que quelque part, ça crée cette espèce de flou autour de sa véritable contribution scientifique, disons le mot, si vous me l'autorisez. Et véritablement, il faut maintenant faire la part des choses de sa véritable contribution à la science. Si tel a été le cas, eh bien, je pense qu'il faut dire ce qu'il a fait et non pas lui attribuer ce qu'il n'a pas fait. Mais au Clos-Lucet, actuellement, il y a des parcours pédagogiques où toutes ces choses-là sont bien expliquées, ou Francesco Di Giorgio Taccola. Mais il faut y aller tout doucement, parce que le public veut quand même toujours croire au génie. Alors justement, on va essayer, dans cette deuxième partie d'émission, d'examiner point par point les différents apports scientifiques de Léonard de Vinci dans différents domaines, autant en ingénierie qu'en anatomie, et aussi, comme je le disais tout à l'heure, dans sa pratique de la peinture. Ce qu'on entend aussi dans ce reportage du Clos-Lucet et dans ce qui été dit, c'est vraiment cette volonté de comprendre comment les choses fonctionnent, donc qu'on peut lier à ce qu'on expliquait tout à l'heure sur l'observation, l'expérimentation, en bref, la méthode inductive, Pascal Briouat. Oui, une méthode expérimentale d'observation et dans les ateliers, et c'est bien de ne pas avoir été formé par l'université finalement, l'idée qu'on peut essayer de mettre à l'épreuve une théorie par une construction mécanique expérimentale, que ce soit, est-ce que par exemple une balle continue d'avancer parce que l'air qui est devant passe derrière, théorie d'Aristote. Léonard dit, essayons de tirer dans une gourde pleine d'eau. Et si on tire dans une gourde pleine d'eau, faut pas me raconter qu'il y a de l'air devant puisqu'il y a de l'eau. Et là, on met fin à 2000 ans de science aristotélicienne. Même si, évidemment, au Moyen-Âge, on avait déjà remis en question tout ça. Mais Léonard le fait par l'expérimentation. Il expérimente aussi ce qui se passe dans le cœur, en faisant un cœur en verre, dans lequel il souffle de l'eau avec des grains de millet pour simuler les mouvements du sang. Là, on est dans une pratique qui est quand même très neuve. Et il écrit, on dit que telle connaissance est mécanique parce qu'elle naît de l'expérience, tandis que telle autre est scientifique car elle naît et fine dans l'esprit, ou que telle autre encore est à moitié mécanique parce qu'elle naît de la science et se termine en opération manuelle. Mais il me semble que ces sciences qui ne procèdent pas de l'expérience sont vaines et pleines d'erreurs, car l'expérience est mère de toutes les certitudes. Jean-Marc Génoux, c'est beau ça, l'expérience est mère de toutes les certitudes. On est vraiment face à une forme de méthode scientifique. Léonard n'est peut-être pas le premier à expérimenter, mais en tout cas à théoriser l'expérience comme étant une validation d'une démarche scientifique. C'est véritablement le point qui m'a fait basculer sur l'avis de mon collègue Pascal Briouat, parce qu'effectivement, certains savants n'ont pas expérimenté, certains expérimentateurs n'étaient pas des savants, vous voyez, il faut bien le préciser. Et lui, la question se pose de savoir si, précisément parce qu'il a expérimenté, on peut le considérer comme un savant. Au regard de tous les éléments que m'a produit et qu'a produit dans ses ouvrages Pascal Briouat, on est tenté effectivement de le croire, parce qu'il y a une volonté de répéter une expérience, de constater une relation de cause à effet, avec une forme statistique, si vous voulez, on dirait aujourd'hui. Et donc, ce que l'on peut regretter, néanmoins, c'est qu'il n'en ait pas tiré une loi, puisque vous lâchez une pierre, elle tombe une première fois, vous la relâchez, elle retombe une deuxième fois, etc. Donc, l'observation, l'expérimentation, et normalement, de cela, la méthode scientifique implique que vous puissiez en déduire une loi. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des lois véritablement qui aient pu être extraites de ces expérimentations, de ces observations. Mais néanmoins, le fait qu'il les ait réalisées, Pascal parlait du corps humain, il est quand même important de le rappeler, et là je ne fais que citer ses travaux, il a disséqué un certain nombre de cadavres à une époque où c'était quand même assez dangereux, on en brûlait pour moins que ça, vous voyez, et il avait une autorisation spéciale pour pouvoir le faire, alors parce que, évidemment, du fait de sa fonction d'artiste, il avait la nécessité de comprendre les muscles, les tendons, et en revanche, pour le cœur, s'il a fait quelques hypothèses que rappelait Pascal Briouat, je ne crois pas qu'il ait émis une quelconque idée sur la circulation sanguine. On peut le regretter. Alors, il a sa théorie de la circulation sanguine, qui est celle de Galien, mais il développe notamment l'idée que ce qui se passe au niveau de l'aorte les formes géométriques au niveau de l'aorte créent pour lui des tourbillons. C'est sa théorie à lui, qui n'est évidemment pas celle des hommes du XVIIe siècle, mais c'est quand même de Harvey, mais c'est quand même quelque chose de très étonnant. En fait, Léonard est un hybride. Il part des idées de ses prédécesseurs, et il les vérifie par l'expérience. Ça n'est pas la méthode expérimentale du XVIIe siècle. Il commence par les idées qu'il vérifie par l'expérience. Ça n'est pas Bacon, hein. Mais c'est quand même quelque chose d'assez neuf. Et on va vous renvoyer à l'émission que nous avions consacrée justement à l'histoire du cœur et à la découverte progressive et laborieuse, il faut bien le dire, de la circulation sanguine par l'histoire des sciences. J'aimerais qu'on parle de cet œil encore de Léonard de Vinci, comme vous l'évoquiez Jean-Marc Ginoux, qui va servir notamment à ses travaux anatomiques. Vous l'avez dit, hein, il a l'autorisation de procéder à des dissections de corps humains, ce qui est effectivement chose relativement rare. Et là aussi, on constate que très rapidement, il acquiert un geste, une méthode qui va lui permettre de dessiner un certain nombre de croquis dans ses codices qui sont absolument remarquables d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue anatomique et scientifique. Absolument. Du point de vue de l'œil, pour revenir précisément à cette question, il y a une théorie qui fait autorité jusqu'à cette époque-là, c'est la théorie de l'intromission, c'est-à-dire que, selon Aristote, on considère que l'œil émet un rayon. Ibn al-Hazayn va remettre en cause, vers l'an 1000 à peu près, cette théorie, et ce sera également le cas, visiblement, de Léonard de Vinci, qui ne croit pas au fait que l'œil émette un rayon, mais qu'il ne soit plutôt qu'un récepteur. Voilà, et ça c'est aussi important. Pour revenir sur le cœur également, il faut dire ceci qui est très important, il isole les quatre cavités du cœur, alors que d'autres, après lui, n'en verront que deux. Et ça aussi, c'est important, si vous voulez. Et ce que disait Pascal Briouat, il a sa théorie. Et c'est véritablement ça qu'il faut valoriser à travers votre émission, à travers les écrits de Pascal Briouat, c'est-à-dire montrer aux gens qu'ils se trompent de Léonard de Vinci. Celui qu'il croit connaître n'est pas le bon. Et cette théorie, qui est celle de Léonard de Vinci, va certainement permettre de faire avancer la science à sa manière. Vous voyez. C'est ça, véritablement, qu'il faut souligner, je pense. Pascal Briouat. Oui, la question de l'anatomie chez Léonard de Vinci, c'est nous donne la méthode. Léonard observe plan par plan, il dissèque plan par plan. La peau, mais ensuite la chair, les veines, les nerfs, les os, etc. Et il arrive à produire des images totalement inédites à son époque. Je ne suis pas sûr que ce soit si interdit que ça à l'époque de Léonard, ne serait-ce que parce que Léonard avoue à un cardinal qui lui rend visite au Clos Lucé, j'ai disséqué 30 cadavres. Si c'était interdit, il ne le dirait pas à un cardinal, c'est-à-dire à un prince ecclésiastique. Plus tard, ce sera interdit. Mais là où Léonard prend des risques énormes, c'est quand il explique sa propre théorie du fœtus, où il explique que la vie du fœtus arrive à un certain moment de la gestation, mais qu'avant, le fœtus partage la vie de la mère. Le pape avait fulminé une bulle quelques années auparavant, disant exactement le contraire. Et là-dessus, évidemment, il a eu quelques problèmes. C'est ce talent pour l'anatomie, pour ces planches d'anatomie, il est évidemment lié à son talent pour le dessin. Et il faut rappeler aussi, parce qu'on a peut-être tendance à l'oublier un peu, que quand Léonard dessine, quand Léonard peint, il amène quelque chose d'essentiel à la peinture. C'est une perspective, une optique, une géométrie en fait. Alors la perspective est bien développée auparavant, hein. Van Eyck et Brunelleschi avaient posé les bases de la perspective géométrique. Même la perspective aérienne, celle qui fait qu'on blanchit les lointains, tout ça, ça vient des Flamands. Donc Léonard n'a pas inventé tout ça. Mais il y a quand même des méthodes chez Léonard qui sont ses propres méthodes. Par exemple, ce qu'on appelle le componimento inculto, c'est-à-dire de faire un dessin, une sorte de gribouillis dont va émerger progressivement la forme. Ça, c'est lui. Et puis, il y a le sfumato, cette technique qui consiste à, par touches successives d'huile infiniment, avec des pigments infiniment dilués, de faire d'estomper les contours. Ça, c'est Léonard. Et évidemment, toutes ces théories-là sont fondées sur l'optique. Et toute œuvre picturale de Léonard est aussi une œuvre scientifique avec une compréhension de l'optique, une compréhension de la nature. Je cite à nouveau dans le traité de la peinture du Codex Urbinas. Si la peinture est ou non une science, la science est, dit-on, le discours mental qui trouve ses origines dans ses ultimes principes, desquels dans la nature, nulle autre chose ne se peut trouver qui fasse partie de cette science, que la quantité continue, c'est-à-dire la géométrie, laquelle commence par la surface des corps, étudie d'abord la ligne et se termine par l'étude des surfaces. Et de cela, nous restons insatisfaits, car nous savons que la ligne est elle-même composée de points et que le point est cette composante qui est la plus petite qui soit. Le premier principe de la science de la peinture est le point, le deuxième la ligne, le troisième la surface, le quatrième est le corps qui se vêt de cette surface. Tentation d'amener Euclide dans l'atelier. C'est ça. Non, mais c'est assez passionnant. Oui, oui. Mais c'est non seulement la géométrie, mais c'est toutes les autres sciences. C'est-à-dire, évidemment, la biologie, la botanique, vous avez la géologie. Un tableau comme la Sainte-Anne, il y a tout le savoir que Léonard a bâti sur l'hydrologie, sur les effets de l'eau, sur la nature et sur la géologie. Jean-Marc Ginoux, parlez-nous un peu de vos travaux sur les travaux de Léonard de Vinci sur le mouvement perpétuel. Quels sont-ils et comment finalement arrive-t-il à la conclusion que cette machine qu'il cherche à construire est impossible à construire? Les travaux sur le mouvement perpétuel, eh bien, si vous voulez, durant cette période, et ça va d'ailleurs se poursuivre malgré cette affirmation faite par Léonard de Vinci, sont nombreux. Beaucoup de savants cherchent à inventer un mouvement perpétuel, persuadés qu'ils sont, qu'ils vont parvenir à faire osciller un pendule indéfiniment. Malheureusement, Léonard de Vinci va y mettre fin avec cette phrase que je vous cite, hein, qui est le texte, je crois, de référence. Je l'espère. Contre le mouvement perpétuel, aucune chose insensible ne pourra se mouvoir par elle-même. Par conséquent, si elle se meut, elle est mue par une puissance inégale, c'est-à-dire de temps et de mouvements inégaux ou de poids inégal. Et le désir du premier moteur ayant cessé, aussitôt cessera le second. Donc si vous voulez, il met fin à un rêve chimérique. Hein. Et ça, c'est très important d'un point de vue de la mécanique. Je disais, pour modérer mes propos, si véritablement il avait une contribution en science, mais Pascal Briouat a démontré qu'il en avait beaucoup d'autres, à mon sens, celle-là était véritablement considérable. Puisqu'elle met un terme à une recherche dans une direction donnée, et elle explique qu'il faut s'intéresser précisément à ce que faisait remarquer Pascal Briouat, à savoir les frottements, l'agencement des différents objets, comme il les dessine si bien dans ses codex. Pascal Briouat, sur cette contribution de Léonard de Vinci. Oui, alors, Léonard dessine des machines à mouvement perpétuel. Donc, il s'est intéressé à cela, comme le faisait avant lui Francesco Di Giorgio, qui invente un moulin qui fonctionne grâce à l'eau, mais qui lui-même actionne une pompe qui amène l'eau, qui va faire fonctionner le moulin. Donc, mouvement perpétuel chez Francesco Di Giorgio. Léonard, effectivement, après avoir défini une roue avec des billes qui tombent dans des petites alvéoles, etc., essaye de montrer ce que serait une machine à mouvement perpétuel, mais effectivement, il finit par renoncer. Le texte qui a été lu par mon collègue prouve que il passe de la machine et de l'expérimentation machinale à une règle théorique. Et c'est ça, peut-être, si on veut vraiment parler de génie de Léonard, c'est ça. C'est la capacité d'abstraction qui part de la matérialité. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ce sur quoi vous insistez aussi, Pascal Briouat, c'est que sur notamment les machines et l'ingénierie, on va dire tout de même un mot de ces travaux d'ingénierie militaire. Vous dites qu'il faut éviter la tentation reconstructiviste parce que ces travaux s'inscrivent pour le coup vraiment dans une lignée qui est tout à fait identifiée, tout à fait précise et qui ne surgit pas de nulle part. Oui, d'ailleurs, quand Léonard écrit une lettre de candidature comme ingénieur militaire, alors qu'il est issu d'un atelier de peintre, à Ludovic Sforza à Milan, on lui rionnait. Mais il va tellement creuser son sillon dans ce domaine-là que 10 ans plus tard, il est ingénieur militaire de Sforza. Il va devenir l'ingénieur militaire en chef de César Borgia. Ce qui veut dire que il était devenu un sérieux ingénieur militaire. Mais les premières machines, celles pour lesquelles, et effectivement on se trompe de Léonard, les premières machines, celles pour lesquelles il est le plus connu, tout ça, le char d'assaut, les orgues d'artillerie et autres sous-marins, tout ça existait avant lui. Il ne fait que recopier. Je vous propose d'écouter un extrait, cette fois-ci, lu par Jacqueline Taous. C'était dans l'émission Une vie neuve sur France Culture en mai 92, à propos de l'ingénierie militaire. Si d'ambitieux tyrans m'assiègent, j'ai des moyens d'attaque et de défense pour conserver le don principal de la nature, c'est-à-dire la liberté. Et d'abord, je parlerai de la position des murs. Ensuite, je dirai comment les peuples peuvent conserver leur bon et juste seigneur. Traits de feu. Dessin. Voici un dard pour une grande arbalète posée horizontalement. Les ingrédients combustibles sont attachés dans un linge aux deux coins. À mesure que la pointe s'enfonce, les cornes se rapprochent davantage et mettent le feu à la poudre et à l'étoupe imbibée de poids. Cette arme est efficace contre les navires, les bastions en bois et autres constructions analogues. Mais nul ne fera de bonne besogne à moins que le feu ne s'allume après que le trait a frappé. En effet, si tu allumes le feu avant, la violence du vent l'éteindra en chemin. Pascal Brioux, une réaction. Oui, alors, bien des machines. Vous voyez là, une arbalète géante, ça a l'air complètement obsolète au temps de Léonard. Quand Léonard va devenir un sérieux ingénieur militaire, ce sera plus ce genre de jouet. Ce sera les fortifications modernes capables de résister à l'artillerie. Et Léonard expérimente très très loin de la fortification bastionnée née avec des gens comme Léonard. Et puis l'artillerie moderne. Tout ce que l'on sait aujourd'hui de la façon dont on fond un canon à la fin du 15e et au début du 16e siècle, on le sait grâce à Léonard de Vinci. Donc c'est dans ces domaines-là, qui sont beaucoup moins gadgets que ce que l'on vient d'entendre ici, que Léonard va progresser. Jean-Marc Genoux. Oui, je partage totalement le point de vue de mon collègue, auquel on peut ajouter peut-être, et il précisera, sur l'obus en ogive, en particulier avec les ailettes. Il y a certaines améliorations qui sont apportées par l'ingénieur militaire Léonard, et pour tout le reste, effectivement, on le doit, comme l'a fait remarquer déjà Pascal Brioux, on le doit à Roberto de Valturio ou à Mariano di Jacopo et à d'autres prédécesseurs et précurseurs de Léonard de Vinci. Pour conclure cette question, maintenant que nous avons fait un peu ce tour d'horizon des apports scientifiques que l'on peut trouver dans les écrits de Léonard de Vinci, pensez-vous qu'il est temps de réhabiliter le de Vinci scientifique face au de Vinci artiste ou qu'il est strictement impossible de dissocier l'un de l'autre, Pascal Brioux? Oui, j'ai des collègues spécialistes d'histoire de l'art qui considèrent que ça n'a aucun intérêt de travailler sur Léonard mécanicien ou savant. Je pense qu'il faut relire Léonard de façon très très précise. Et là, on reviendra sur ce qu'un historien des sciences russes, Zuboff, avait déjà démontré dans les années 70, c'est-à-dire un Léonard savant dans une infinité de domaines avec une curiosité universelle. Jean-Marc Genoux, pour conclure. En effet, je pense que on peut s'interroger sur Léonard savant, comme le dit mon collègue, et on doit aussi s'interroger sur le fait que ces codex n'aient été publiés qu'à la fin du 19e et ne faire que le regretter, parce qu'effectivement, s'ils avaient été publiés bien avant, c'est-à-dire soit quelques temps après sa mort, eh bien, peut-être qu'il aurait une autre figure à nos yeux aujourd'hui, et il apparaîtrait peut-être davantage comme un savant. Je voudrais juste pour conclure dire cette petite chose encore. Le temps, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans une de ses dernières citations, le temps m'aura manqué, et il faut quand même être raisonnable. Cet homme a été l'un des plus grands peintres, un remarquable ingénieur, comme l'a fait signaler mon collègue. Il a apporté des croquis et des illustrations magnifiques à la science. Bon, était-il un savant? Finalement, est-ce bien important? Eh bien, ce sera un magnifique mot de conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Marc Genoux, merci Pascal Brioux. Je renvoie à votre passionnant ouvrage « Les audaces de Léonard de Vinci » aux éditions Stock. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Noéline Aguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Léonore Pérez, Tom Hümdenstock, Émilie Valla à la réalisation. Et un grand merci à notre camarade Pascal Baudin à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, vendredi fiction, nous parlerons des origines de la science-fiction, ou plutôt du merveilleux scientifique et de l'émergence de ce genre littéraire à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.